Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le phénomène Zazou dans la France occupée du début des années 40. Avoir 20 ans, vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le Zazou physiquement et moralement. Quelle décrépitude et quelle déchéance! Le lieutenant français Jacques Doriot, le 21 avril 1944, y affiche tout le mépris dont il est capable devant ce phénomène des Zazous. Les Zazous, ces jeunes Français qui refusent à leur manière l'amorosité ambiante de cette France occupée du début des années 40. Mine de rien, les Zazous vont finir par déranger un peu tout le monde, le régime de Vichy, l'occupant allemand et même les forces de la résistance. Un homme pouvait être blanc ou noir ou jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître, c'est les Zazous. C'est les Zazous. Un faux col qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà le Zazou, voilà le Zazou. Il y a des Zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à Poitiers. À votre tour, un de ces jours, vous serez tous Zazous comme eux, car le Zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain, brusquement, et puis on pousse des hurlements. Et je pense que les Zazous constituent un révélateur, comme on dit au sens photographique du terme, un révélateur de cette période, dans la mesure où ils étaient les gens qui typiquement attendaient. Ça peut durer 10 ans, ça peut durer 10 mois, ça peut durer 50 ans. On ne sait pas pour combien de temps on est embarqué là-dedans. On a 20 ans, on va vivre. Bon, donc finalement leur point de vue de départ, leur position de départ est extrêmement simple, c'est on va vivre. Bon, et qu'est-ce que c'était vivre à cette époque-là pour les gens de cette génération? C'était écouter une certaine musique qui était la musique de swing. C'était s'habiller d'une manière qui était une forme de protestation contre la grisaille imposée par les restrictions de tissu, par les restrictions de cuir, par les restrictions de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et simplement, encore une fois, ils cherchaient à surmonter cette espèce de formidable apathie générale par des manifestations, bon, qu'on peut juger puériles, déplacées, ridicules, tout ce qu'on voudra, mais qui étaient simplement un moyen d'exister. On finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre Zazous, on s'y retrouvera. Et c'est fou ce qu'on rigolera. Quand sous la douche, mon chanteur a comme ça. Ouais, la vie, vous allez de là, ouais. Sur la chanson « Il y a des Zazous » d'Andrex, on entendait Jean-Claude Loiseau, auteur d'un livre sur les Zazous, à l'émission Radioscopie le 30 mai 1977, pour nous parler de ce phénomène Zazou durant la Deuxième Guerre mondiale. L'auteur Gérard de Cortanze, qui a signé en 2015 le roman « Zazou », publié aux éditions Albin Michel. Gérard de Cortanze, bonjour. Bonjour. Pas mal déjà ce qu'on vient d'entendre comme présentation du phénomène Zazou. Vous avez écrit un roman sur les Zazous. Pourquoi? Pourquoi c'est important pour vous de leur consacrer un roman? Je reprendrai les mots de Jean-Claude Loiseau, là, c'est-à-dire en fait, ça va au-delà d'une attente. Hein. C'est, imaginez, vous avez 15 ans, la guerre démarre, et vous refusez de vous faire voler votre enfance, votre adolescence. On n'appelle pas ça encore des adolescents, mais on refuse cela. Mmh. Et c'est ça qui m'a intéressé, la première chose, de se dire au fond, c'est une forme de résistance qui est faite par des enfants. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a absolument rien d'écrit sur ce phénomène-là. C'est-à-dire, c'est une génération qui est totalement oubliée. Hein. Ils n'ont pas fait la guerre de 14. Ils ne peuvent pas s'impliquer dans la guerre 39-45. Ils sont jeunes, ils sont collégiens, ils sont lycéens. Et pourtant, ils vont, on en parlera durant l'émission, ils vont s'opposer vraiment très efficacement contre l'occupant allemand, contre la collaboration. Et au fond, j'ai voulu réhabiliter cette jeunesse qui avait été totalement oublié. Ouais, voilà. Une jeunesse qui donc résiste à sa manière, résiste dans la fantaisie, entre autres, résiste de manière, au fond, très spontanée, assez peu organisée. On écoute à nouveau l'auteur Jean-Claude Loiseau qui, sur une chanson de Charles Trenet cette fois, qui va être une figure à laquelle vont s'associer les Zazous, la figure de Trenet, Jean-Claude Loiseau qui nous dit justement que tout ça est très, très spontané et au fond, on ne peut même pas parler de mouvement comme tel. Les Zazous, c'était des gens qui participaient à créer un climat, qui voulait être en marge, mais en marge, disons, sans que ce soit très organisé, sans que ce soit une protestation organisée. C'était pas un mouvement, les Zazous. On devenait Zazous. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver des Zazous parce que c'était pas un mouvement constitué. C'était pas des gens qui avaient des leaders, qui avaient une philosophie, qui avaient des journaux et pour cause. Vous savez, quelqu'un comme Charles Trenet, par exemple, a très vite, à partir de 41-42, refusé d'être assimilé au mouvement Zazous, qu'il considérait comme des irresponsables, des agités, et qu'il considérait que l'assimilation entre la musique qu'il faisait et disons le goût général des Zazous, c'était un peu aplanir, c'est enfin disons réduire à peu de choses ce qu'ils faisaient. Ça, c'est diablement intéressant, Gérard de Cortan, ce qu'on vient d'entendre. Le fait que le mouvement soit pas très organisé, le fait qu'un Charles Trenet, qui est vraiment une figure associée aux Zazous, les Zazous l'aiment beaucoup, s'en dissocie, les trouve agités, irresponsables. Qu'est-ce qu'il fait? Et il n'est pas le seul. Je le disais d'entrée de jeu, et bien sûr, les Zazous vont déranger l'occupant allemand, vont déranger le régime de Vichy, mais aussi les forces de la résistance. Qu'est-ce qui fait que cette bande de jeunes dérange tant? Qu'est-ce qui dérange tant chez eux? Ce qui dérange tant, c'est que tout simplement, ils veulent continuer d'exister. Or, c'est une période dans laquelle on demande aux Français, et notamment aux jeunes Français, de ne pas exister, justement. Et eux refusent. C'est pour ça que ce ne sont pas des irresponsables, ce ne sont pas des agités, pas du tout. Et d'ailleurs, comment dire, on va voir au cours de l'émission comment l'occupant et les nazis vont vraiment, comment dire, faire tout pour faire taire ces gamins et ces gamines qui créent une sorte de mouvement sans mot d'ordre, sans chef, mais de mouvement parallèle à la résistance, mais un mouvement qui n'est pas organisé, parce que quand vous avez 15 ans, vous n'êtes pas organisé, mais, excusez-moi du terme, mais vous foutez une merde extraordinaire dans le pays à ce moment-là, à la fois dans la France, dans un premier temps dans la France occupée, puis dans la France libre, mais dans toute la France occupée. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote, 15 secondes, je crois Giscard d'Estaing, qui me demande ce que je suis en train d'écrire. Je parle de ce roman sur les Zazous, il m'a dit, vous savez, moi je les connaissais bien, je dis, monsieur le Président, vous n'étiez pas vous-même Zazou. Non, me dit-il, ils étaient trop excentriques pour moi. Et vous savez, ces gens-là nous donnaient de l'espoir. Ah bon? Et en fait, le sujet de mon roman, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette jeunesse qui a donné de l'espoir à tout un peuple. Cette étincelle de lumière dans cette grisaille, c'est dans cette magnifique, morosité. C'est magnifique. C'était des gamins et des gamines. Ouais. La première manifestation, le 11 novembre 40. 3000 lycéens, lycéennes, collégiens, collégiennes remontent les Champs-Élysées. Ils ont chacun dans une main, une canne à pêche, parce qu'une Gaule plus une Gaule, ça fait deux Gaules. Ils chantent des musiques Zazou, ils remontent les Champs-Élysées. Et là où on comprend que ce ne sont pas des irresponsables, c'est qu'en face, il y a les mitrailleuses nazies qui les attendent. Mais ils font tout ça en chantant, nous dites-vous, parce que la chanson, la musique, Trenet, mais le swing, ce sera très important. Quelle place ça va occuper, la musique? C'est fondamental. Si vous voulez, en peu de mots comme ça, une image, c'est le contexte musical de l'époque, c'est pas du tout le swing. C'est un peu comme les yéyés dans les années 60. C'est une nouvelle musique qui arrive, qui dévaste tout. La génération précédente n'y comprend rien. C'est une musique qui vient des années 30. C'est le jazz américain. C'est un rythme différent. Mmh. Et alors ça, c'est un véritable raz-de-marée. D'ailleurs, moi, j'ai publié en parallèle à mon roman un CD, un double CD. Ouais. Où on a recueilli 52 textes, enfin 52 musiques. Et air de swing, mais en fait, pour faire ce CD, j'avais fait un premier tri et j'avais repéré 170 morceaux de jazz ou de chansons dans lesquels les mots swing ou zazou apparaissaient. Incroyable. Ouais. Et de fait, on peut presque dire, Gérard de Cortance, que la musique est si importante pour les Zazous que tout commence par la musique. les cheveux tout frisottés, le col haut de 18 pieds. Ah, ils sont zèbres. Le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne, traîne par terre. Ah, ils sont zèbres. Zazou, zazou, zazou. Cab Calloway, que vous entendez, en 1933, il fait cette chanson. La première fois, en fait, que l'expression Zazou est utilisée dans une chanson. Et puis, juste avant, vous entendiez la reprise. Et ça sera un grand succès, un grand impact en France, qu'en fait, en 1942, Johnny S. de la chanson de Cab Calloway. Donc, ça commence, Gérard de Cortanze, littéralement, l'histoire des Zazou, par la chanson. Ah oui, au départ, c'est une question de vocabulaire. C'est-à-dire, Cab Calloway chante Zazou, Zazouzaï à Paris en 1934. À partir de ce moment, le mot Zazou commence à circuler. Et en fait, en réalité, Johnny S. Enregistre en 38, hein, et pas en 42, mais en 38, Je suis swing. Parce qu'il vient de se séparer du duo qu'il formait avec Trenet. Il chante en solo, en quelque sorte. Il chante Je suis swing. Et le refrain, c'est Zazou, Zazou, Zazou. Et ça va complètement lancer la mode. C'est à partir de 38, non, un an avant la guerre. Le phénomène Zazou commence à imprégner doucement la vie des jeunes Français. Et ne fera que s'amplifier durant toute l'occupation, parce que on va s'apercevoir que ce courant, cette façon, vous savez, tout simplement, ça rappelle des événements contemporains, c'est-à-dire cette façon de vouloir continuer d'exister tout simplement en chantant, en dansant, en se battant pour la démocratie, en se battant pour la liberté, en se battant pour tout simplement continuer à boire des bières à la terrasse des cafés, et ben c'est une forme de résistance. Ouais. Et c'est en cela que les Zazou, par bien des aspects, recoupent une problématique d'aujourd'hui. Ouais. A vu ça à Paris récemment. Absolument, avec ces marches et cette occupation des places la nuit. Si vous voulez, il y a quelque chose de ça, et je pense que le succès du livre vient de là. C'est-à-dire que les gens se sont dit, tiens, mais au fond, c'est quelque chose qui parle d'aujourd'hui. Ouais. Ils sont très reconnaissables, les Zazou. Parlez-moi un peu de ça. Quel est le look Zazou typique? Ah oui, alors ça, il y a toujours, c'est pour ça que je parlais des années 60 et des yéyés, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a un look. Vous savez, c'est la première fois où il y a une classe d'âge qui va se rassembler, non pas par catégorie sociale, mais parce qu'ils ont le même âge. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se reconnaissent avec un certain nombre de signes. Et ces signes, c'est assez amusant. Par exemple, ils mettent des lunettes de soleil, surtout lorsqu'il fait nuit. Ils se promènent avec un parapluie chambérlin, et c'est pour ça que ce ne sont pas des irresponsables. Parce que le parapluie chambérlin, ça vous rappelle quelque chose, c'est les accords de Munich. Ouais. Le ministre anglais qui portait ce parapluie qu'on appelle chambérlin. Donc, ils portent un parapluie chambérlin, évidemment qu'ils n'ouvrent jamais, surtout lorsqu'il pleut. Ouais. Ils lisent les mêmes livres, le succès de « Autant n'emporte le vent », le succès de Rebecca, Daphné du Maurier, qui sont des livres interdits parce qu'ils sont anglo-américains, ce sont les Zazou qui les font. Alors vous avez aussi le vêtement. Alors puisque c'est ce que disait l'oiseau, puisqu'il y a des restrictions de tissu, eh bien on va allonger les vestes, mais aussi on va raccourcir les jupes. Les premières mini-jupes, ce sont les Zazou femmes. On met des très hauts talons. On boit des bières grenadines. On mange bien avant Laurent Fabius des carottes râpées. Lorsqu'on est Zazou, on mange des carottes râpées. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. Tout un code, en fait. Il y a tout un code, et ces gens se reconnaissent entre eux, comme dans les années 60. Ouais. On se reconnaissait parce qu'on écoutait John Hallyday ou Sylvie Vartan, et parce qu'on avait les cheveux coiffés de telle façon, on portait des pantalons pattes d'éléphant, etc. Vous voyez, ouais. Donc le look est très important. On se reconnaît parce qu'on s'habille de la même façon. Et tout ça, évidemment, se fait dans le ludisme, mais il n'y a pas que ça, et on va basculer avec vous, Gérard de Cortanze, dans le côté plus sérieux. Vous l'avez évoqué, le parapluie, les accords de Munich, mais Ils sont dans, évidemment, ils vivent à une époque, c'est la résistance, c'est la France occupée, c'est le général de Gaulle, et ils seront à l'écoute, en fait. Ils seront même à l'écoute de ce fameux appel du 18 juin du général de Gaulle. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises seraient entièrement démobilisées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Ça, c'est le contexte général, Gérard de Cortanze. Comment ils vont répondre concrètement, les Azous, à cet appel-là? C'est très important, ce discours, parce qu'en fait, les Azous, certains sont des collégiens, des lycéens, qui parlent anglais, qui sont les premiers à écouter la BBC avant que les programmes ne soient traduits en français, et qui vont appliquer les mots d'ordre proposés par De Gaulle et son équipe. C'est-à-dire, ils vont couvrir les murs de Paris de V de la victoire. Ils vont écrire sur le sol à la craie, ils vont dessiner des croix de Lorraine. Ils vont interrompre les séances de cinéma, les pièces de théâtre. Dès qu'il y a un petit élément qui fait qu'on va pouvoir provoquer. Par exemple, vous avez une pièce de Guitry où Pasteur intervient. Ça se passe en 70 avec la guerre contre l'Allemagne de l'époque, et Pasteur dit « Je vais rendre mes diplômes à ce pays ». Et toute la salle se lève, les Azous se lèvent, la séance s'arrête. Mm-hmm. Une séance de cinéma, le colonel, eh bien, dans ce film, ce colonel d'Empire, qui vit sous Louis-Philippe, dit être mis en prison sous un tel régime, c'est un honneur. Immédiatement, les Azous se lèvent, la séance de cinéma est arrêtée. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que dans un deuxième temps, tout le monde est mis à l'extérieur du cinéma. Les quarts de police attendent les Azous et qui sont immédiatement emmenés en prison dans des dépôts, etc. La fameuse étoile jaune des Juifs, ils vont essayer. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je reviens, vous savez, les Azous. Irresponsable et agité, je suis absolument pas d'accord, parce que qu'est-ce qu'ils font? Juin 42, 8e amendement allemand, port de l'étoile jaune. De façon totalement spontanée, ils descendent dans les rues de Paris, ils dessinent des croix, des étoiles de toutes les couleurs, sur lesquelles ils ont écrit jazz, bouddhiste, goy, etc. Et ils entraînent une partie de la population de Paris, contre ce port immonde de l'étoile jaune. Il y a quand même 450 Azous qui se retrouvent à Drancy. Carrément, dans le camp, donc. De sinistre mémoire. Certains y restent 6-7 mois, d'autres n'en reviendront jamais. Alors, pour des agités et des irresponsables, écoutez-moi, je suis ému rien qu'en racontant cette histoire, parce qu'ils ont, 15 ans, ce sont des gamins et des gamines, et ils savent très bien qui risquent leur vie en faisant ça. Ils vont donc, oui, risquer leur vie, déranger. C'est d'authentiques résistants. Ouais. Ce sont d'authentiques résistants. Vous parlez pourtant d'eux un certain moment, puis c'est assez joli comme image. Vous parlez des Azous comme du poil à gratter des occupants, mais à vous entendre, ce poil à gratter provoque de sérieuses démangeaisons. Ah, écoutez, moi, d'ailleurs, c'est un moment difficile de la rédaction du livre. J'ai beaucoup travaillé à partir des journaux de l'époque. Et j'ai relevé plus d'une centaine d'articles, mais terribles, contre les Azous, c'est-à-dire les nazis et les collaborateurs vraiment enjoignaient les gens à venir casser du Azou, à venir les scalper. Il y a des opérations pour leur mettre la boule à zéro, tout simplement parce qu'on estimait qu'ils avaient les cheveux trop longs, mais en même temps, on les tabassait. La chasse aux Azous était ouverte. Enfin, vraiment, la terminologie est affreuse. Alors, évidemment, il y a tout le vocabulaire qui pourrait être comique si ce n'était pas si dramatique, c'est qu'évidemment les Azous sont négroïdes et juifs. Ce qui ne veut rien dire, bien entendu. Mais à partir de là, on voit bien l'assimilation. Au fond, il faut, comment dire, éliminer de cette France collaborationniste les Azous, les Juifs et les Noirs. Enfin, c'était une époque affreuse. Ouais. Et ces gamins et ces gamines luttent contre ça, au risque de leur vie. Ben voilà, au risque de leur vie, certains perdront la vie, certains iront, vous nous le disiez, au camp d'Annecy. Ils vont payer chèrement, donc, cette offense, ce pied de nez, mais qui est politisé quand même. Oui, alors, si je veux, la difficulté, moi, de mon roman, c'était de parler, comment dire, de façon assez légère, amusante, parce que ils ne pensent qu'à s'amuser, tous ces jeunes gens et ces jeunes filles, mais sur un fond qui est affreux, terrible, horrible. Et ils vivent avec ça. Et c'était ça la difficulté. Ouais. En fait, de comment vivaient-ils? Comment ont-ils pu résister et conserver leur enfance face à cette ouais. époque tragique? Ça s'essouffle et ça se termine avec la fin de la guerre. Comment ça se passe? Alors, là encore, voilà. On dit souvent les Azous, c'est Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian, Eugène Gricot. Non, pas du tout. C'est-à-dire que les Azous, d'abord, c'est très lié à la musique swing. Et la musique swing, ça s'arrête au moment où la libération intervient. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas l'armée américaine qui a apporté le jazz en France. Le jazz, il existe même avant Cap Calloway, puisque la première personne à avoir apporté le jazz en France, c'est Josephine Baker. Donc, mais ça s'arrête avec la libération, on passe à autre chose, et c'est très simple. Pourquoi? Parce que les Azous ont 15 ans au début de la guerre, ils en ont 21 à la fin, c'est-à-dire ils sont devenus majeurs, ils sont devenus adultes, ils ont vécu toute cette période qui les a totalement changés, ils veulent passer à autre chose, et ils n'ont plus la légèreté de leurs 15 ans. Ouais. Donc, c'est la France de la reconstruction, c'est autre chose, et le phénomène Zazou, qui n'a pas de mot d'ordre, qui n'a pas de chef. Et en plus, n'oubliez pas le phénomène post-libération, c'est-à-dire les collaborateurs d'un côté, la résistance de l'autre. La résistance, il y avait deux mouvements. Ouais. Il y avait les gaullistes et il y avait les communistes. Donc, entre les deux, il n'y a pas de place. Donc, les Zazou, qui n'appartenaient pas au courant gaulliste ni aux communistes, on les oublie. Ils sont pas, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. Donc on les oublie, ils disparaissent de l'histoire. Voilà. Et bien, ils vont revivre un peu grâce à vous, entre autres, grâce à ce roman. Gérard de Cortance, je rappelle, donc, vous signez ce roman Zazou, qui a été publié en 2016 aux éditions Albin Michel. Merci infiniment, M. de Cortance. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.